dimanche de 14 à 16 heures. Pendant 2 heures, c'est vraiment le bonheur. Un seul moyen pour avoir de l'emprunt, l'accordéon et ses plus beaux refrains. Avec Michel, toujours gai et fidèle, sa bonne humeur et toutes ses ritournelles nous fait passer des heures exceptionnelles. Un grand merci et bravo Arc-en-Ciel, l'accordéon de nos belles régions. C'est la France en chanson. Près d'Orléans, une radio sympa, l'émission qui vous enchantera. C'est Arc-en-Ciel et notre ami Michel, qui adore le piano à bretelles. Vos dédicaces seront les bienvenues, avec lui vous ne serez pas déçus. Si le dimanche le ciel s'est assombri, c'est la tristesse un dimanche sous la pluie. Vite sur FM, allumez vos radios, n'ayez jamais le moral à zéro. Avec Michel sur Radio Arc-en-Ciel, un beau programme sera plein de soleil. L'accordéon, c'est la joie, c'est si bon. Vive le musette et ses jolies chansons. L'accordéon de nos belles régions, c'est la France en chanson. Près d'Orléans, une radio sympa, l'émission qui vous enchantera. C'est Arc-en-Ciel et notre ami Michel, qui adore le piano à bretelles. Vos dédicaces seront les bienvenus, avec lui vous ne serez pas déçus. Arc-en-Ciel, 12 heures passées de 37 minutes. Et c'est dimanche, c'est l'accordéon de nos régions jusqu'à 15 heures. Michel, qui adore le piano à bretelles, vos dédicaces seront les bienvenus, avec lui vous ne serez pas déçus. Un petit air en sourdine sur mon accordéon, et voilà que me viennent de nouvelles chansons. Mon instrument fidèle au-delà des flonflons, qu'il est doux de t'entendre jouer sur tous les tons. Depuis longtemps déjà tu égayes le monde, de Paris à Moscou sur tous les continents. Compagnon de la joie de tous les bons moments, je sais ton ambition, c'est que l'amour abonde. Un petit air en sourdine sur mon accordéon, et voilà que me viennent de nouvelles chansons. Mon instrument fidèle au-delà des flonflons, qu'il est doux de t'entendre jouer sur tous les tons. Grâce à toi, mon ami, que de mots chuchotés, que de couples enlacés, que de baisers baudés. Au hasard d'une valse ou d'un tango léger, combien as-tu permis à des gens de s'aimer? Un petit air en sourdine sur mon accordéon, et voilà que me viennent de nouvelles chansons. Mon instrument fidèle au-delà des flonflons, qu'il est doux de t'entendre jouer sur tous les tons. Dans les mauvais moments, tu étais là aussi, apportant de l'espoir à tous les prisonniers. Et avec ceux qui ont libéré le pays, tu annonçais content la belle liberté. Un petit air en sourdine sur mon accordéon, et voilà que me viennent de nouvelles chansons. Mon instrument fidèle au-delà des flonflons, qu'il est doux de t'entendre jouer sur tous les tons. Ton avenir est grand et pour la joie de tous, tu nous joueras toujours les beaux airs de chez nous. On a passé le creux, allez, fais-nous danser sur un air de musette, permets-nous de rêver. Un petit air en sourdine sur mon accordéon, et voilà que me viennent de nouvelles chansons. Mon instrument fidèle au-delà des flonflons, qui dédoue de t'entendre jouer sur tous les tons. Noël, joyeux Noël de mon enfance, où avez-vous bien pu passer? Quand vient l'hiver, bien tendrement à vous je pense. Nostalgie, nostalgie, toi qui me fais souvent rêver. Le beau sapin qu'on choisissait dans la forêt, la luge qui glissait sur la neige gelée, nous avions du courage et nos rires et nos chants égayaient la campagne recouverte de blanc. Noël, joyeux Noël de mon enfance, où avez-vous bien pu passer? Quand vient l'hiver, bien tendrement à vous je pense. Nostalgie, nostalgie, toi qui me fais souvent rêver. La belle crèche que patiemment l'on installait, les santons qu'on avait nous-mêmes fabriqués, le sapin tout à côté tendrement décoré, cette joie intérieure que l'on ne peut expliquer. Noël, joyeux Noël de mon enfance, où avez-vous bien pu passer? Quand vient l'hiver, bien tendrement à vous je pense. Nostalgie, nostalgie, toi qui me fais souvent rêver. Belle nuit de Noël que je revois encore, près de la cheminée trônaient nos gros souliers. Magie de cette nuit où l'on attend l'aurore avec ses humbles cadeaux que l'on appréciait. Noël, joyeux Noël de mon enfance, où avez-vous bien pu passer? Quand vient l'hiver, bien tendrement à vous je pense. Nostalgie, nostalgie, toi qui me fais souvent rêver. À minuit sept, mais sous l'église craquée, sous le nombre de gens qui venaient y assister. Ils étaient beaux ces chants, ou avec ferveur l'assistance tout entière les reprenait en cœur. Noël, joyeux Noël de mon enfance, où avez-vous bien pu passer? Quand vient l'hiver, bien tendrement à vous je pense. Nostalgie, nostalgie, toi qui me fais souvent rêver. S'il faut parfois laisser parler les souvenirs, que de choses ont changé depuis ces si beaux jours, où les joies les plus simples nous ravissaient toujours, où se forge notre esprit, la foi dans l'avenir. Noël, joyeux Noël de mon enfance, où avez-vous bien pu passer? Quand vient l'hiver, bien tendrement à vous je pense. Nostalgie, nostalgie, toi qui me fais souvent rêver. Cascade, quand elle saute des rochers, elle chante et puis s'évade jusqu'en bas de la vallée. Au cours de son escapade, elle emporte mon cœur brisé, car c'est là près de la cascade qu'un jour notre bon, on va arrêter ce massacre. On reprendra tout à l'heure une meilleure solution. On va écouter ce qu'on a écouté hier, Le Pont des Larmes, paroles de Jean-René Nativelle et musique de Charles Cassonnet, interprété par, malheureusement en public, c'est dommage, parce qu'il y a un peu de bruit, interprété par Thierry Monico, Charles Cassonnet et Jacques Thauvin seront dans les studios Tendu Arc-en-Ciel samedi prochain, entre 16h et 18h. On sera le 21 décembre. Hein. Le 23 décembre, émission spéciale Noël, avec des chants du monde entier. Le 11 janvier, je recevrai Bruno Parny et son accordéoniste, Bruno Parny au synthé et au chant, de l'orchestre Berry Musette. Et ensuite, j'aurai très certainement, la date n'est encore pas fixée, courant janvier, Les Oreilles qui saignent, l'orchestre de Châteaudun, que j'ai déjà reçu d'ailleurs sur Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Le Pont des Larmes. Dans quelques secondes. Et c'est parti. Où ça va partir ? Marion pose les armes auprès du coin des larmes. On la vie et la vie, que les mots jouent leur symphonie. Là, rien ne nous désarme auprès du coin des larmes. Le soleil s'est couché sur le port. J'entendais dans le soir le murmure d'une brume dans le cœur de l'amour. Et mon chiffon le souvent, on attendit au beau regard, la couleur prend les larmes. Quand elle saute des rochers. Bon, on va abandonner, ce sera plus simple. Hein. On va écouter maintenant le pot-pourri de notre ami Marc Michel. Et successivement le turlututu, la Cathy et bonsoir belle bergère. Écoute à nouveau Thierry Monico, notre beau Norvan, paroles de Christiane Fomran, ou Christine, ça dépend du jour, musique de Rogessi et Thierry Monico. Charmante. ciel qui offre le rêve. Tous les champs verdoient au printemps, et dans les allées forestières, les sous-bois tombent maintenant et se mirent dans l'eau des rivières. Continuer avec Christophe et Sylvère Burlot, la gavotte du Ménez-Bray. Et bien sûr, c'est la Bretagne. We'll be right back. Arc-en-ciel, 13h passées de 7 minutes. On va écouter au gala de Chambéry en 2017, Roger Sy et sa petite fille Emmanuelle. Alors on va continuer avec l'accordéon, bien sûr, on va écouter Marc Michel. Alors je vais prendre mon élan. Le titre c'est Sum Dovolas Lou Garsus de la Montagno. Voilà, traduisez comme vous pouvez. Je n'ai pas pu. We'll be right back. Thank you. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Et c'est la bourrée Cabouin maintenant par les compagnons du Musette. Et on continue avec la Reine des Champs, interprétée par les Troubadours des Bruyères. Reine des champs, pour mes 20 ans, dis-moi, veux-tu de mon cœur tremblant? petit berger dans la plaine gardait son troupeau en chantant, contemplant la belle petite fille et la laine de ses jolis moutons tout blancs. Reine des champs, si tu m'entends, nous resterons toujours et longtemps. Reine des champs, pour mes 20 ans, dis-moi, veux-tu de mon cœur tremblant. Berger dans la plaine, garder son troupeau en chantant, contemplant la belle qui file et la laine de ses jolis moutons tout blancs. Reine des champs, fleur du printemps, mon seul trésor, sais-tu combien je t'adore. Reine des champs, pour mes 20 ans, dis-moi, veux-tu de mon cœur tremblant. Des champs, pour mes 20 ans, dis-moi, veux-tu de mon cœur tremblant. Et on repart en Bretagne avec Christophe et Silver Burlot, et ce sera le bal en Bretagne. Silver, et je dis bien Silver et Christophe. J'allais à la fête au village, sur le chemin j'ai rencontré à la bordure d'un pâturage une jeune fille qui pleurait. La la la la la lélo, la la la la la la lélo. La demoiselle était très belle, il fallut bien la consoler. Je lui demande qu'avez-vous belle, vous m'avez l'air bien chagriné. La la la la la lélo, la la la la la la lélo. Elle répondit, je ne suis pas celle que vous croyez. Mon pauvre père, il est malade et je ne peux aller danser. La la la la la lélo, la la la la la la lélo. Si vous voulez, mademoiselle, vous aiderez à le soigner. Le temps que passe une hirondelle, son beau sourire à retrouver. La la la la la lélo, la la la la la la lélo. On se rendit à la chaumière où le pauvre homme était couché. Ma fille née me désespère car elle n'est pas encore mariée. La la la la la lélo, la la la la la la lélo. Monsieur, prenez donc courage, tout finira par s'arranger. Car ce soir au bal du village, sûr je l'emmènerai danser. La la la la la lélo, la la la la la la lélo. Au bal nous avons c'était sage, mais n'avons pas fait que danser. Un an après, dans le village, un tout petit breton est né. La la la la la lélo, la la la la la la lélo. Et retour dans le Berry, Berry Sud, c'est-à-dire la région de la Brenne, avec les compagnons du Musette, ce sera l'étang sans nom. C'est le printemps et le grand vent fait chanter les branches dans les forêts. Un écureuil assez malin pour son hiver ramasse des bandes de pain. Toi mon étang, tu nous attends toujours si calme au milieu de la Brenne. Il faudrait que tu comprennes combien nous te sommes reconnaissants. Qu'il fait bon pêcher dans mon étang et humer l'odeur des bois mouillés. Voir sauter des carpes de temps en temps, ça c'est le bon temps. Qu'il fait bon pêcher dans mon étang, prendre des poissons de temps en temps. Part en Bretagne avec la famille Burlot, Silver et Christophe, et ce sera la galette, les galettes chez Vauvonne. Les galettes chez Vauvonne. Vous avez tous chanté les galettes de Paimpol, mais avez-vous goûté les galettes chez Vauvonne? Vous avez tous rêvé d'être l'oiseau qui vole, mais avez-vous goûté les galettes chez Vauvonne? Une louche de paille, qu'elle étale sur la plaine, la retombe d'un seul geste et la galette est faite. Vauvonne fait choisir ce qu'on veut pour garnir. C'est Jeannot le premier, jambon fromage râpé. <t'en> fête pour Gégé, avec une bonitine, une nature pour Pierrot, avec du Léribourg. Moi je les aime nature, toi tu préfères aussi essayer une beurre, c'est encore bien meilleur. Vous allez tous chanter les falaises de Paimpol, mais avez-vous goûté les galettes chez Vauban? Vous avez tous rêvé d'être l'oiseau qui va, mais avez-vous goûté les galettes chez Vauban? Cette forêt de chocolat, je la garde pour papa, flambée au grand marnier, le régal de Pépé. Celle qui n'est pas trop cuite sera pour Jeanne-Marie, celle qui est bien dorée sera pour tendre nez. Vous avez tous aimé les récré à l'école, mais avez-vous goûté les galettes chez Boba? Vous avez tous envie d'être un jour une idole, mais avez-vous aimé les galettes chez Boba? Ça recommence, deux pas à gauche, deux pas à droite, à petit tour et puis hop c'est reparti. Sur ce refrain, tous les berrichons et toutes les berrichonnes, tous les berrichons dansent sur cette chanson, tous les paysans et toutes les paysannes, tous les paysans dansent dans leur campagne, tous les villageois et toutes les villageoises, tous les villageois dans ces centre-croix, pas à gauche, pas à droite, à petit tour et ça y est, ça recommence, de pas à gauche, pas à droite, à petit tour et puis on s'est reparti. J'avais un an et demi, j'allais chez mamie, j'allais chez mamie. Et j'allais chez mamie, peinard dans ma poussette, lui faire des gros câlins, carrer les gentillettes. J'avais cinq ans et demi, et j'allais chez mamie, et j'allais chez mamie. J'allais chez mamie, amis à fond la patinette, lui faire des gros câlins, carrer les gentillettes. J'avais 8 ans et demi et j'allais chez mamie, et j'allais chez mamie. Et j'allais chez mamie, un patin à roulette, lui faire des gros câlins, carrer les gentillettes. J'avais 11 ans et demi et j'allais chez mamie, et j'allais chez mamie. Et j'allais chez mamie sur ma planche à roulette, lui faire des gros câlins, carrer les gentillettes. J'avais 13 ans et demi, j'allais chez mamie, j'allais chez mamie. Et j'allais chez mamie, coule coule la bicyclette, lui faire des gros câlins, carrer les gentillettes. J'avais 16 ans et demi, j'allais chez mamie, j'allais chez mamie. Ouais, j'allais chez mamie avec ma mobilette, lui faire des gros câlins, car elle est gentillette. À 18 ans et demi, j'ai passé mon permis pour aller chez mamie. Chez mamie dans mon appart cadette, de radio à fond, j'écoutais des cassettes. À 19 ans et demi, je vais plus chez mamie, je vais plus chez mamie. Je vais plus chez mamie, je veux voir les minettes, je leur fais des gros câlins car elles sont gentillettes. Je retourne chez mamie, je retourne chez mamie. Je retourne chez mamie avec ma voiturette. J'ai perdu mon permis un beau soir de goguette. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Marche, Marche et Ségurel. Non, Marche et Ségurel. Marche et Limousin par Jean Ségurel. Marche et Limousin. Bon, ben, je l'ai programmé, je ne trouve plus. Ah, c'est triste de voir ça. Bon, ben, c'est pas grave, on va passer à autre chose. La bourrée d'Avest, ça va vous rappeler. Une certaine marque d'apéritif jaune, je ne dirai pas le nom. L'ancienne fleurit la montagne, il faut partir pour aller l'accueillir. Près des nuages, on est à l'ouvrage, le cœur léger, on chante sans arrêt. Bourrée d'Avez, doux refrain de mon pays, bourrée d'Avez, on chante et l'on rit. Un verre d'Avez pour oublier les ennuis, un verre d'Avez, adieu les soucis. Il y a 8 méchants, oui. Il n'y fait que nos méchants qui pleuvent mieux. Ah, ben justement, mais dis-je à quel hôpital est sécurisé, mais bon, il s'est mouru de 7, et il y a une 7. Mais il y a plus de gens qui m'ont donné un bon méchant. Eh bien, d'accord. Oui, que tu me vois idée. Achille, n'a pas. Allez, à la tuyau. Eh bien, à la tuyau. Et quand nous donnera des lampes, ça va que la bourreille. Ah oui, alors.

quand je danse avec toi, Maria. Cette valse en soleil, mes souvenirs d'amour. Je revois l'instant si doux, tous deux, assis sur le vieux banc de pierre. Tu sens tes ponts d'entre prières. Je me suis mis à genoux, comment fais-tu de prière? À l'abri des pommiers, j'ai pris le premier baiser. Oh Maria, cette valse avec toi, Maria, j'entends sa ritournelle, je t'aimerai toujours. Avec toi, Maria, j'entends sa ritournelle, je t'aimerai toujours. Venons savoir une brave chanson, celle d'une fille et d'un jeune garçon. Venons savoir une brave chanson, celle d'une fille et d'un jeune garçon. Garçon, tuilier, fille de bourdier, se sont promis la fidélité. Se sont promis la fidélité de se marier. Et on l'on l'on la la déridera, l'on l'on la, l'on la, l'on la la déridera. Et on l'on l'on la la déridera, l'on l'on la, l'on la, l'on la déridera. Brave galant, tu reviendras lundi, quand mon papa y sera dans son lit. Brave galant, tu reviendras lundi, quand mon papa y sera dans son lit. Nous parlerons de ça que tu sais, nous parlerons de nous marider. Nous parlerons de nous marider, de nous marider. Et on l'on l'on la la déridera, l'on l'on la déridéridéra, et l'on l'on l'on la la déridéra, l'on l'on la, l'on la, l'on la déridéridéra. Mais le papa qui n'était dans son lit n'a entendu ce qu'a dit la Cathy. Mais le papa qui n'était dans son lit n'a entendu ce qu'a dit la Cathy. Cathy, Cathy, tu ne fais pas bien, de tous mes biens tu n'en auras rien, de tous mes biens tu n'en auras rien, tu n'en auras rien. Et on l'on l'on la la déridéra, l'on l'on la, l'on la, l'on la déridéridéra. Et on l'on l'on la la déridéra, l'on l'on la, l'on la, l'on la déridéridéra. Et on continue quelques instants avec André Rock. Thank you.

spécialisés dans la rénovation, le ravalement, l'isolation et la peinture, recherche un ou plusieurs ouvriers motivés, avec ou sans expérience. Voir selon le profil. Contactez M. Oliveira au 06 59 74 21 01 ou au 02 38 76 40 86. Il y a beaucoup de monde dans les rues de Paris. Le match est à son comble dans le stade de Saint-Denis. J'ai envie de m'amuser et de pouvoir apprécier ce que m'offre la vie avec tous mes amis. Le début de l'hécatombe, le début des assauts et le sang qui inonde les terrasses des restos. Fini au Bataclan, buté dans un concert, des centaines de braves gens. Évacuer ta haine, t'es vraiment qu'une ordure de tirer sauvagement, de passer pour un dur devant des innocents. Il y a beaucoup de monde dans les rues de Paris. Il est minuit et demi, les flics sont réunis et l'assaut est donné. Toi tu t'es explosé, mes amis, message aux terroristes et à vos potes extrémistes. N'allez pas croire les gars que la France n'est plus là. Daesh, on n'en veut pas, on se bat contre ça. Mais ton idéologie symbole de barbarie, t'es vraiment une ordure de tirer sauvagement, de passer pour un lieu des innocents. Et nous voilà partis cartonner la Syrie, même si on sait déjà certains ne reviendront pas. La guerre est déclarée, la France est rassemblée pour venger nos frangins qui sont tombés pour rien. Il y a beaucoup moins de monde dans les rues de Paris. Après cette hécatombe, les visages sont meurtris, unis main dans la main, pour dire adieu à ces gens bien. Mais vous l'avez bien compris, nous aussi on est Paris. T'es vraiment une ordure de tirer sauvagement, de passer pour un lion devant les innocents. Et on va écouter maintenant Chantons nos Pyrénées par André Roch. Paroles et musique d'André Roch et Thierry Roch. Chantons nos Pyrénées pour le plaisir personnel de Paulette à Fleury-les-Aubrais. Che canto, canto pas per you, canto per ma mio. Salen de you. Viens, toi qui t'ennuies, sale dans ton coin. Je vais t'apprendre un vieux refrain qu'on chante encore entre copains. Viens, c'est une chanson qui vient de loin. Elle a gardé l'odeur des foins, du vent d'automne et des sapins. De nos Pyrénées. cherche plus, il est ici, sous le soleil de ton pays. Nous allons chanter par les soirs d'été, le chant des bergers de nos Pyrénées. De France ou d'Espagne, chantez avec nous, enfants des montagnes, dansez avec nous. Les bergers des collines, nous entendez-vous, copains et copines, dansez avec nous. Continue avec cette fois-ci retour en Bretagne avec la les chansons de la Bretagne avec le barde de l'Orsejoint. Et le barde de l'Orsejoint nous joue la marche de l'épagnol breton. Ça me rappelle une histoire quand j'étais petit. J'avais compris certainement mal. C'était une race de chien, bien sûr. Je l'appelais espagnol breton. À souvenir. L'épagnol breton, prix d'Europe, mondial ou de région. On est tous très fiers de ce champion. Vive l'épagnol breton. Venez à Calac le découvrir. Vous y prendrez vraiment du plaisir à le voir chasser sur le terrain. Vous direz quel sacré chien. Venez chez Morin, Joncourt ou bien l'Avenant, nos éleveurs sont excellents. Venez faire un tour au milieu de nos champs, leurs épagnols sont épatants. Chez nous à Calac, tous ces chiens, on le sait, ont fait notre réputation. Patrick Morin et puis tous ses compagnons font honneur à notre région. C'est la marche de l'épagnol breton, prix d'Europe, mondial ou de région. On est tous très fiers de ce champion. Vive l'épagnol breton. Venez à Calac le découvrir. Vous y prendrez vraiment du plaisir plaisir à le voir chasser sur le terrain. Vous direz que ça criche. Espagnol breton, prix d'Europe, mondial ou de région. On est tous très fiers de ce champion. Vive l'Espagnol breton. Venez à Calac le découvrir. Vous y prendrez vraiment du plaisir à le voir chasser sur le terrain. Oui, vous direz quel sacré chien. Eh bien, voici quelques dimanches, on n'a pas écouté notre ami Patrick Reynal. Alors voici donc Berlaudio dans un de ses sketchs. Marie! Oh Marie, écoute donc, oh Marie. Oh bon, on va se marier dans 3 semaines, Marie, allez. Hein? Marie, c'est le printemps, nous dit que Marie. Non, je veux pas. Non, je veux pas, laisse-moi tranquille. Oh, écoute, c'est bien qu'on va se marier, mais je veux pas. Non. Non, je suis jeune fille et puis c'est tout. Non. Oh, mais Marie, mais t'es jeune fille, je le sais bien, mais puis si on va se marier. Marie, mais viens donc, puis je te le demande. C'est le printemps, mon zozio qui chante et tout, Marie. Hein? Non, elle dit, je veux pas, non. D'abord, j'ai toujours mal à la tête après, alors... Oh, mais Marie, mais si c'est une question de ta tête, c'est qui que tu vas avoir la tête haute? Ah, dis oui, je vais avoir la tête haute. Eh ben, écoute donc, c'est facile, il y a de ça, c'est pas dur. Tiens, on est à côté de la ligne de chemin de fer. Hein? On va se mettre sur le bon côté, sur la mi-pente. Hein? Tu vas être la tête sur les rocs, tu vas être à ton aise. Hein? Allez, Marie. Oh, ben, écoute donc, viens donc, puisque je te le demande. Oh, ben, écoute, je veux bien, mais dépêche-toi. Oh, oui, Marie. Oh, oui, je vais me dépêcher. Il s'installe en position. Lève la partie, je vous passe les commentaires. Et tout d'un coup, dites donc, il poste 3 fois par semaine. Enfin, il poste plutôt la Micheline. La blague à sa mène. Tutut! Il y a un gars qui fait Marie, tiens-moi, je te loge pas. Marie! Marie, bouge pas, ça vient. Marie! Tutut! Oh, Marie, dépêche-toi donc, Marie! Tutut! Mais qui que vous foutez là, vous? Ben, ça se voit pas, non? Eh bon, sang de bonsoir, ça se voit bien. Mais qui vous foutez là, sur les rails, hein? Mais la Marie, elle veut avoir la tête en l'air, puis c'est tout. Mais c'est quand même pas une raison pour faire les imbéciles sur une route de chemin de fer. Mais c'est la Marie, je vous dis, mais la Marie, moi, je m'en fous de la Marie. Il y a le train qui arrive, tu ne l'as pas vu, le train? Ah, si, je l'ai vu, le train. Eh ben alors, fallait t'en aller. Fallait m'en aller. Ouais, vous êtes pas gentil, fallait m'en aller. Mais je sentais que la Marie, ça venait. Ouais. Moi, je chantais que ça venait. Et je me suis dit, merde, celui qui a des freins, il a qu'à s'arrêter. Oh. Amis du Berry, de Savoie, de Bourgogne, ceux de Normandie, Lorraine ou Limousin, regardez le ciel quand passent les cigognes. Elles nous ramènent ce joyeux refrain. Un air de printemps ravive la nature. Le bonheur est enfin chez nous de retour. Et les amoureux vivront leur aventure. La valse de France et leur chanson d'amour. Tournez en cadence, c'est la valse de France. C'est la plus jolie danse, celle bien sûr que nous préférons. Avec aisance, sur un air de vacances, cette valse de France vient du cœur d'un accordéon. Musique. de ceux de Normandie, Lorraine ou Limousin. Regarde le ciel quand passent les cigognes, et le nous ramène ce joyeux refrain. Un air printemps ravive la nature, le bonheur est enfin chez nous de retour, et les amoureux vivront leur aventure. La valse de France et leur chanson d'amour, tournez en cadence. C'est la valse France, c'est la plus jolie danse, celle bien sûr que nous préférons. Avec aisance, sur un air de vacances, cette valse de France vient du cœur d'un accordéon. Sur un air de vacances, cette valse de France vient du cœur d'un accordéon. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Et les menteurs vers l'audio. Puis alors, dites donc, comme dit, tu colles pas mal, hein. L'autre jour, il s'est fâché avec sa bonne femme. Ah, il a dit, t'entends bien. Si t'arrêtes pas de boire maintenant, mais t'es fini, je divorce. C'est pas simple. Je veux plus toi rentrer sous comme un polonais. T'entends-tu ce que je te dis? Bon, écoute, te fâche pas. Ma pauvre Berthe, faut pas te fâcher. Je te jure que je boirai plus un verre de vin. En boirai 12. Non, mais il a pas dit ça, mais il l'a pensé. Le vieux pétien. Mais ça, il buvait plus, ah, dis donc, il buvait de l'eau, des jus de fruits, tout ça, sa femme elle était contente. Mais lui, ça commençait à le travailler un peu. Puis les copains, ils ont dit, ben tout de donc, viens donc ce soir, là, on va faire un tarot. Oh ben oui, mais oh, les gars, attention, il faut pas de pitoyer. Non, non, on boira pas, allez. Il dit ça à la Berthe, dis donc ce soir, je vais jouer avec des copains au tarot. Ah, je veux bien le tuyol, mais n'oublie pas ta promesse. Ça va, Berthe, je t'aime. Je l'ai juré, je boirai pas. Ou un jus de fruits, par-ci, par-là, et tout. Oh, mes pauvres enfants, à 4 heures du matin, il était sous. Mais sous, mais ben, mon Dieu, je comprends. Oh, et bien, comme j'ai dit que je buvais plus avant, il m'en fallait ben, 10 litres pour m'arranger, ma présente. 3 verres, et puis je n'ai plus de goût. Oh non, mais j'en tiens une, hein. Oh là là. Et il arrive devant chez lui, puis là, il a une belle clôture avec une grande grille. Ah, il est... Où c'est j'ai foutu? Où c'est j'ai foutu ma clé? Oh, je t'appelle. Je l'ai pourtant pas bu. Ah, je l'aurais senti passer quand même, hein. Dans le gosier, ça règne. Où c'est j'ai foutu cette saloperie de clé? Là, je l'ai pas, hein. Oh ben tant pis, je vais passer par-dessus, puis... Et il ravin, le blanc, il essaye de sauter par-dessus la grille, mais tu sais bien, au bout des grilles, il y a des machins pointus. Oh non, les gars. Paf! Dans l'occiput. En plein dans l'occiput. Ah oui, merde. Ah non, j'ai dit, oh là là, et ça saignait, ils ont... c'est à faire. Nos yeux, pourvu qu'elle m'entende pas, la Berthe. Il rentre à la maison comme il peut. Il traverse la chambre en tacate mimi pour pas qu'elle l'entende. Il rentre dans la salle de bain. Dieu. Il se fout sur une chaise devant la glace à pharmacie. Il est là, nos yeux, il ouvre la porte, il prend un pansement qui était là. Il dit, bon, mon Dieu. Oh, il y avait de la veine que pour les sous-l'eau, il y a des... À jeun, je me serais cassé 3 fois la gueule. Oui, il arrive à foutre le pansement comme il peut. Il vient dans la chambre, il se glisse à côté de la Berthe. Elle l'avait pas entendu. Et il s'endort. Oui, mais le lendemain matin, la Berthe arrive. Réveille-toi, dis-je. À quelle heure t'es rentré hier? Oh, ben, c'était pas tard, tu vois. Vers les minuit, quoi. Pas bu? Ah oui? Et t'as pas bu? Oh, ben. Alors ça? Ah, dis donc. Alors non, moi, j'ai pas bu, les autres, si, mais moi, alors là, je te l'avais promis, un jus de fruits, tu vois, les jus d'abricot, des machins, ça empote un peu. Mais j'ai pas bu autre chose. Menteur. Quoi? Tu me traites de menteur? Hein? Ah, t'as pas bu, toi? Non, j'ai pas bu. Tu pourrais jurer que t'as pas bu? Oui, je pourrais. Oui, je pourrais, mais je le ferai pas. Je le ferai pas, parce que là, tu me vexes, t'entends, Berthe? Je suis vexé de même pas avoir confiance en ton homme. Eh ben, c'est pas beau, ce que tu fais là. Ouais, tu peux toujours causer, va. Ah, t'étais pas sous, toi. Non, j'étais pas sous. T'étais pas sous. Non, j'étais pas sous. Alors, veux-tu me dire un peu ce que c'est ce pansement que t'as foutu sur la glace? Actuellement l'antenne, Sylvie Pulès, la bourrée des furets. Ah, vous êtes étonné de me voir à Berlodio comme ça, je vous dis, c'est pas de ma faute, hein. Ben, c'est de la faute à mes parents. Mais vous savez, les parents sont tous pareils. Avant que l'enfant arrive, alors le père, il voit un garçon pour qu'il en fasse un beau laboureur et tout ça. Et la maman voulait une fille pour en faire une coiffeuse et tout, shampooineuse, patati, patala. Alors tous les deux, ils n'étaient pas d'accord. Et voilà s'il en reste. Oh, mais alors vous savez, je suis tolère. Vous ne pouvez pas savoir si je suis tolère. Vous connaissez pas Bertie ? La Bertie, c'est une copine à moi, une copine de régiment. Ah oui, on a quand même été... Eh oui, on a quand même eu un fusil, comme tout le monde. Fallait me voir un peu défiler. Tu m'aurais vu avec un fusil, moi, dis donc. Je vous passe tout le reste, les manœuvres. Quand il fallait courir par terre dans la boue, tout ça, oh. Mais avec Bertie, on s'était juré que jamais une de ces sacrées bonnes femmes nous mettrait la main dessus. Toutes les bonnes femmes, Ah, c'est vrai, elle nous débine, hein. Ah, mais c'est vrai. Alors, avec Bertie, on avait dit, depuis tout petit, jamais une femme nous touchera. L'autre jour, j'étais à la terrasse du Foutiets. J'ai les moyens. J'ai mon ami qui est un port sport. Oui. Florent Charles. Bon, alors, j'étais donc là-bas. J'étais en train de prendre mon tilleul menthe. Non, je prends pas de café, ça m'énerve, l'après-midi. Après, je sais plus ce que je fais. Alors, je prenais mon tilleul menthe et tout à coup, qu'est-ce que je vois sur le trottoir d'en face ? La Bertie, dites donc. Avec une voiture d'enfant et trois gamins dedans. Oh la garce. Oh, je sais pas ce que j'aurais fait. Oh, la salope, me faire ça, moi. Oh, j'ai traversé une furie. L'éclat de saut, j'entendais rien. J'arrive de l'autre côté, je fais, mais t'as pas honte, salope, vermine. J'ai tout dit. Oh, je te crache dessus. Oh, m'avoir fait ça à moi, t'être marié, puis promener les gosses. Oh, mais c'est pas... Oh, m'a dit, arrête quand même. Te mets pas dans un état... Oh, je me mets pas dans un état pareil. T'as pas honte, non? Avec la promesse que tu m'avais fait. Et toute Bertie, c'est pas beau, tu sais. Les potes, mais ne pleure pas, petit. Je suis pas marié. Comment t'es pas marié? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? T'es nurse, peut-être. Mais non, je suis pas nurse non plus. Écoute, que je t'explique. Quoi, tu m'expliques? Écoute. Je travaille dans les préservatifs. Ah bon? Mais tu peux pas savoir, en ce moment, ça marche très bien, ça. Ah, oh, le préservatif, tout le monde en veut, hein, ça. Même ma grand-mère en a. Hein. Ah oui. Elle fait les andouilles dedans et... Ah oui. Non, mais le préservatif, c'est vrai, ça marche très bien. Et alors, grande andouille, tu comprends rien du tout. Ça, les gamins, c'est des réclamations et je les reporte à l'usine. Dessus les genêts qui dorent nos campagnes, autant d'autrefois, on voyait des bonnets tout blancs. J'en garde encore l'image, coiffe le chignon aux atouts si charmants, les belles coiffes blanches que portaient nos grands-mamans pour danser le dimanche quand elles avaient 20 ans. Portez, fillettes, au printemps une fois l'an. Les coiffes si coquettes que portaient nos grands-mamans. Comme papillons enivrés par la danse, elles voltigeaient en de gais tourbillons. Et l'amour souvent de sa douce romance versait dans les cœurs des rêves émouvants. Les belles coiffes blanches que portaient nos grands-mamans pour danser le dimanche quand elles avaient 20 ans. Portez, fillettes, au printemps une fois l'an, les coiffes si coquettes que portaient nos grands-mamans. Musique.

joli petit village. Un garçon dit à ses parents, afin de vivre davantage, je veux partir et j'ai 20 ans, pour m'établir dans une ville et devenir un grand monsieur. La vie pour moi sera facile, là-bas je serai plus heureux. Mais le papa s'est redressé, à son fils il a murmuré, l'étoile qui brille, nos fleuves et nos filles, nos ruisseaux, le ciel bleu, le vent, l'oiseau qui s'envole, nos avoines folles, soleil d'or et lune d'argent, valent les plus beaux songes, tout le reste est mensonge. Mais il partit chercher fortune, attiré par le grand Paris. Il ne rencontre qu'infortune, il eut des tracas, des soucis. Loin de chez lui, de ceux qu'il aime, il est obsédé nuit et jour. La vie pour lui est un problème, il ne pense plus qu'à son retour. Écoutez, jeunes paysans, le vrai bonheur est dans nos champs. Étoiles qui brillent, nos fleuves et nos filles, nos ruisseaux, le ciel bleu, le vent, l'oiseau qui s'envole, nos avoines folles, soleil d'or et lune d'argent. Pas de les plus beaux songes, tout le reste est mensonge, le vrai bonheur est dans nos champs. Et on va écouter maintenant une histoire signée Claude Vanoni. Claude Vanoni, le Lorrain. Les mamans, si elles ont toujours bien aimé que les gosses soient propres, hein. T'en rappelles qu'à Teptiop, t'es au lit, il fait bon et chaud l'hiver. Et la maman qui arrive pour te réveiller. Allez, debout, c'est l'heure. C'est déjà pas une bonne nouvelle. T'es à peine debout, elle t'en ressort encore une et dit, allez, maintenant, on va te laver. Oh. Elles sont marrantes, les mamans, faut toujours aller se laver. Elles disent, va te laver, c'est pour que tu sois plus beau. Un petit gamin ou une petite gamine, c'est toujours beau, même quand c'est un peu marmosé. Les mamans, elles disent, va te laver, c'est pour sentir bon. Mais on sent ce qu'on sent, bon sang. Les mamans aussi, elles disent, va te laver, tu sentiras bon la savonnette. Et t'as des savonnettes qui sentent tellement bon que ça pue. Et puis, le savon, c'est pas si bon que ça, parce que le savon, si ça mousse tellement, c'est qu'il y a des produits chimiques dedans. La preuve, ça pique drôlement les yeux. La grande manie, maintenant, c'est l'eau de toilette. Ah ben, vas-y, que je te dégouline. Vas-y, tout le monde, à mettre l'eau de toilette. Vas-y, que je te dégouline de toutes les marques, de toutes les sortes. Avant, on se mettait un petit peu de sang bon ou du bon goût sur le mouchoir pour la messe de 11h le dimanche, puis c'était fini. Tandis que maintenant, vas-y, de l'eau de toilette, l'eau de toilette. Bon, l'eau de toilette. Au début, moi, je croyais que c'était l'eau des cabinets. Se laver, toujours se laver, qu'est-ce que c'est de l'histoire-là? Je te dis que c'est un truc qui a été inventé par les docteurs. Et si tu les écoutes, les docteurs, faudra aller se laver. Tous les jours. Puis pas que les mains ou la figure, hein. Faudrait se laver les pieds. Mais un pied lavé, c'est tout mou. Tu vas courir dans les chardons avec les pieds lavés, toi. Si tu les écoutes, les docteurs, il faudrait même aller se laver les dents. Oh, les dents. Mais tu te rends compte, on n'a jamais vu ça. Dans ma famille, mon grand-père, il ne s'est jamais lavé les dents. Et il les a toutes dedans. Ils ont montré à la télé l'autre coup, c'est pour ça que je sais. Ils disent les docteurs qu'il faut se laver les dents avec une petite brosse exprès. Tu vois, ils l'ont montré comment que c'est fait à la télé. C'est comme une brosse à chaussures, comme une brosse à dents, mais pour les dents. Mais enfin, pas pareil, parce que le dent, on lave pas le dent. On lave le dent, mais pas le dent. Les dents, on lave le dent, mais pas le dent, en fait. Ils ont montré qu'il fallait une brosse comme ça, qu'il en fallait une par personne. Enfin, chez nous, la Félicie, comme il ne reste qu'une dent au milieu, on a trouvé le système, elle prendra le rince-bouteille et voilà. Mais je te dis que mon grand-père, il ne s'est jamais lavé les dents et tac, il les a, là. Il y a une recette, je vous la donne parce qu'on est entre nous, hein, on est dans l'intimidité. La recette chez nous pour les dents, là voilà. Après le repas du soir, un bon morceau de Munster bien fait. Tu le mâches consciencieusement, t'avales pas tout de suite, t'arroses ça avec un bon vieux canon de vin rouge. Tu malaxes un peu, tu laisses sécher, tu peux dormir toute la nuit, la bouche ouverte, même l'été, il n'y a pas de mouche. La preuve que c'est antiseptique, tu vois. Si tu les écoutes, les docteurs, faudrait aller se laver des endroits que je n'ose même pas dire ici. Tu vois le tableau le matin à bonne heure sur la place du village autour de la fontaine. Les femmes à coyotes, le jupon dans les dents, donnant à boire à leur petit chaton. Petit chaton, dans le tas doit bien y avoir des vieux matous aussi. Et de l'autre côté de la fontaine, les hommes le pantalon sur les talons astiquant leur fusil de chasse. Les petites cartouches bleuies par l'eau froide des fontaines vosgiennes. Faut pas se laver, parce qu'on a une carapace qui protège la peau. Si tu l'enlèves, c'est foutu, les microbes passent à travers. Mon grand-père, il ne savait jamais laver, il n'a jamais été malade. En le rentrant à l'hospice, ils ont voulu le laver de force, il en est mort. Tu comprends? Ils ont voulu le laver de la tête aux pieds. Alors la tête, il a entretenu le cou un moment, les pieds aussi, mais vers le milieu. Il a fait comme une zizidrocution. Me laver, moi? Ben de la crotte. On était bien au chaud dans nos bouchures, nous les lapins, les lièvres et les perdreaux. Mais voilà que les hommes nous mènent la vie dure, ils saccagent tout, c'est pire qu'à Chicago. L'été on avait de l'ombre et de la verdure, on pouvait faire la sieste sous les ormeaux. Allons messieurs, respectez la nature, pitié pour nous et songez aux oiseaux. On pouvait se nicher, on pouvait se loger, on pouvait se cacher quand on était traqué. Maintenant c'est fini, y'a plus que le profit qui mène le monde et son maudit pognon. Les fossés sont comblés, les bouchures sont rasées, les arbres sont arrachés, on ne sait plus où aller. On est dehors la loi, on n'a plus gîte ni toit. Notre salut, c'est la fuite en avant. On était bien au chaud dans nos bouchures, nous les lapins, les lièvres et les perdreaux. Mais voilà que les hommes nous mènent la vie dure, ils saccagent tout, c'est pire qu'à Chicago. L'été on avait de l'ombre et de la verdure, on pouvait faire la sieste sous les ormeaux. Allons messieurs, respectez la nature, pitié pour nous et songez aux oiseaux. On dit y a plus de gibier, le monde est déréglé, l'air ne veut plus pousser, les terrains sont usés. Mais c'est la faute à qui? Le fric a tout pourri, la terre se meurt, le monde est en déclin. On détruit les fourrés, les champs sont brûlés, on ne pourra plus bouffer que des matières polluées. Où ferons-nous nos nids? Où qu'on mettra nos petits? Y a plus que des ruines, des pierres et des proclins. We'll be right back. Clémentine, les anges ont l'aubépine, et l'homme vivra la plus belle symphonie. Laissez la fille chanter, la rainette coassée, le hérisson fouiné, la coccinelle volée, et l'air sera plus pur, le ciel sera d'azur, on aura tous les clés du paradis. Allez messieurs, replantez les bouchures, pour la santé, la vie des animaux. L'hiver, ils ne craindront plus la froidure, tout ira mieux et tout sera plus bon. L'été, il fera chaud sans canicule, on aura chez nous un Eldorado. Oublions vite les mauvaises habitudes, vive la nature, c'est ce qu'il y a de plus beau. Fais-toi belle et mets-toi du sentibon, c'est Mick Brea. Fais-toi belle et mets-toi du sang bon. Je t'invite au bal sous les lampions. Pas question de rester à la maison, y a rien de bien à la télévision. Fais-toi belle et mets-toi du sang bon. Mets ta robe où l'on voit ton balcon. N'aie pas peur de vider ton flacon. Je t'offrirai bien d'autres échantillons. Chaque danse va chavirer ton cœur, je respirerai ton bouquet de fleurs. Chaque slow ravivera ton parfum, ton odeur c'est un souffle divin. Fais-toi belle et mets-toi du sang bon, je t'invite au bal sous les lampions. Un coup de peigne avant d'accordéon, de la prête je te pose plus de questions. Fais-toi belle et mets-toi du sang bon, avec ta jolie robe rose bonbon. Ça c'est sûr, tu vas faire sensation, mais surtout remets-toi du sang bon. Pas question de rester à la maison, y'a rien de bien à la télévision. Fais-toi belle et mets-toi du sang bon. Mets ta robe où l'on voit ton balcon. N'aie pas peur de vider ton flacon. J't'offrirai bien d'autres échantillons. Prends le chemin du bonheur. c'est notre amie Sylvie Pulas. Que la nature y est belle, car elle a donné le jour à une étoile célèbre, l'étoile des troubadours. Dans un petit coin de bruyère, une étoile aimée pour toujours. C'est l'étoile des monnaies, c'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur la terre tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours. D'un beau firmament dans un petit coin de bruyère, une étoile est née pour toujours. C'est l'étoile des monnaies, c'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur la terre tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours. Arc-en-ciel, 14h57. On va se quitter dans quelques instants. Je vous laisse en compagnie d'RDP International, en direct du Portugal. Et on se retrouve demain pour l'émission des succès de France. Malheureusement, je n'ai plus l'indicatif. Ce sera l'ancien indicatif. C'est cocktail coloré, donc demain, musique, chansons de tous les âges et de toutes les époques. Rappelez-vous l'indicatif. Que voici, que voilà. Bonne soirée à tous et à toutes. Et à demain. 2 da tarde no continente e na Madeira, 1 da tarde nos Açores.